Karibisha mchungaji wa Mungu kwa ajili ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema, Dieu dit, ati kwa sababu ya mafuta, à cause de l'onction, tutakuwa wanono. Nous allons grossir. Na wakati tunanona, et quand nous allons grossir, mizigo yenyeko kwa migongo yetu, le fardeau qui était sur nos dos, itaanguka chini. Ça va tomber. Alafu, et puis, nira yenyeko kwa shingo yetu, ce qui était en train de bloquer notre cou, itavunjika. Ça sera brisé. Le joug. Asifiwe. Le joug sur notre cou sera brisé. Ananionyesha kama mtu mwenye amevaa nguo. Il me montre comme quelqu'un qui porte un habit. Alafu akaanza kunona. Et puis il commence à grossir. Paka nguo inararuka hivi. Jusqu'à ce que l'habit se déchire. Kienelee kiraruka. Et ça continue à se détruire. So, Mungu ananiambia déchirer. Kuhusu nyinyi na kanisa hili. Et Dieu me parle à propos de vous et cette église. Ya kwamba mafuta yake, que son onction itawanonesha, va vous faire grossir. Et puis quand vous serez en train de grossir, ce qui vous entoure itatoka, va quitter, va libérer. Ili unono, pour que quand vous prenez l'espace, ipate nafasi mpya, ça puisse avoir de l'espace où maukuta, vous pouvez grossir. Que les murs qui vous entourent puissent tomber. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Ninaona kipindi ya kupanuka. Je vois que nous entrons dans une saison d'élargissement. Anasema kwa Isaiah, il dit dans Esaü, enlarge your territories. Augmentez l'espace de votre tente. Panua hema yako. Élargissez l'espace de votre tente. Watoto wako uliowapata, parce que les enfants que tu as eus, siku zako za upweke, dans les jours de la solitude, wengi sana, sont plus nombreux. Na sasa wanakuja. Et maintenant ils viennent. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Hey, watu wa Mungu tupige makofi. Acclamons pour le Seigneur, peuple de Dieu. Naitwa Pastor Alan. Je m'appelle Pasteur Alan. Kiombe. Kiombe. Natoka Kenya. Je viens du Kenya. Leo ndio siku yangu ya mwisho. C'est mon dernier jour aujourd'hui. Nikihubiri. En train de prêcher. Alafu ninarudi Kenya. Après, je vais retourner chez nous. Nimebarikiwa sana hapa Goma. J'ai été grandement béni ici à Goma. Ni pali pazuri sana. C'est un endroit merveilleux. Hata nikipata mahali naweza ishi. Si je peux avoir un endroit où vivre ici. So, Mungu abariki Goma. Ça serait bon. Que Dieu bénisse Goma. Na Mungu abariki Congo. Et que Dieu bénisse la RDC. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Nimejifunza kuchanganya Kiswahili. J'essaie de mélanger le Swahili. Nimejifunza mambo mengi. Je viens d'apprendre plusieurs choses. Na Kiswahili yenu inanibariki. Et votre Swahili me bénit beaucoup. Si tunasemanga kwa Kiswahili. Nous disons en Swahili. Kiswahili litoka wapi? Le Swahili est venu d'où? Tanzania. Du temps de Tanzanie. Ikakuwa mgonjwa Kenya. Kenya s'est tombé malade. Ikakufia Uganda. C'est mort en Uganda. Ikazikwa. Et on l'a enterré Congo. En RDC. Hivyo ndio wanasema. C'est ça que les gens disent. Ilizaliwa wapi? Tanzania. Né, Tanzanie. Ikateleze ikatembea Kenya. Et puis c'est arrivé au Kenya. Ikakuwa mgonjwa huko. Ça a commencé à être malade au Kenya. Kiswahili yangu siwezi ongea Tanzania. C'est pourquoi je peux pas parler un bon Swahili comme le Swahili ikakuja de la Uganda. Tanzanie. C'est arrivé en Uganda. Ikakufa. Là c'était mort maintenant. Wakabeba hiyo Kiswahili yenye imekufa. Mais on a pris le cadavre de la langue en question. Ikazikwa Congo. On est venu l'enterrer au Congo. Sasa Congo tunaongea Kiswahili ilicho. Alors, Congo, on parle un Swahili qui est enterré. Lakini tunashukuru Mungu. Mais nous bénissons le Seigneur. Kuna wimbo nilipenda sana kwa roho yangu. Il y a un cantique que j'ai beaucoup aimé dans mon cœur. Nikiwa Congo mwaka jana, nilikuwa nikiimba sana. Au Congo l'année passée, je chantais so, beaucoup ce cantique. Tutaimba kwa dakika tano. Nous allons chanter ce cantique dans quelques 5 minutes. Kwa dakika karibu 30. Et puis nous allons prêcher pendant quelques 30 alafu, minutes. Alafu tupate kuomba. Et puis nous allons prier. Alafu saa 5 kamili. Et puis à 11h juste, tuachane salama. Nous allons kila mtu asalamie kwao. Mimi salamie kwetu au salamie kwenu. Que chacun aille dire bonjour à sa famille. Sasa dada yangu Miriam atakuja hapa. Ma sœur Miriam va approcher. Atuimbie hiyo wimbo. Elle va chanter. Mimi najua kuimba, najua maneno lakini moi je connais les paroles. Mimi si muimbaji. Mais je suis pas un chanteur. Nikiimba nafika katikati nataka kumeza mate. Quand je chante, j'arrive au milieu, je vais avaler la salive. So wimbo inakatika. Et puis ça bloque. Tena ama nasahau maneno. Ou bien j'oublie les paroles. So, wacha akuja tusaidie kwa haraka. Alors la sœur Miriam. Inasema hiyo wimbo. Le cantique dit. Ati, there is a roof up above me. Il y a une toiture sous ma tête. I have a good place to stay. J'ai un bon endroit où je peux passer la nuit. There is food on my table. Il y a la nourriture sur ma table. And shoes on my feet. Et il y a aussi des souliers you sur gave mes me pieds. Your life, Lord. Tu m'as donné ta vie, Seigneur. And a fine family. Et une bonne famille. Thank you, Lord. Merci, Seigneur, for your blessings pour tes bénédictions sur ma vie. In Asema, ça dit, as the world. Comme le monde looks upon me, est en train de me regarder as I struggle quand alone, je suis en train de combattre de moi-même, they say that I have nothing. Ils disent que je n'ai rien. But they are so wrong. Mais ils ont tort. Because in my heart, parce que dans mon cœur, I am rejoicing. Je suis dans la joie. How I wish they could see. Si seulement ils savaient. Because I have God. Parce que j'ai Dieu. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. Now we can sing. Alors nous pouvons chanter. There's a roof up above me, have a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing on me. There's a roof up above me, have a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings. Thank you, Lord, for your blessings. Thank you, Lord, what you have done for me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions dans ma vie. Nous disons grand merci à Dieu kwa sababu ya kila jambo, pour toutes choses. Sa zingine dunia inatuangalia, quelquefois le monde nous regarde Et ils croient que nous n'avons rien. Lakini tunatamani wangeona. Mais si seulement ils pouvaient voir ya kwamba tuna furaha ndani yetu. Que nous avons une joie en nous. Na furaha yetu ni Mwokozi Yesu. Et notre joie c'est Seigneur Jésus-Christ. Furaha yetu ni Mwokozi Yesu. Notre joie c'est notre Seigneur Jésus. Tuko na paa juu yetu. Nous avons une toiture au-dessus de nous. Hata kama tunaweza kuwa hatuna mzuri sana. Même si c'est pas très joli. Lakini tuna mahali tunaita nyumbani. Mais quand même il y a quelque part qu'on appelle chez nous, une inaweza maison. Kuwa si nyumbani mzuri sana. Ça peut être pas une très belle maison. Lakini tukitoka hapa. Mais en quittant ce lieu. Kuna mahali tunasema. Il y a un endroit où nous allons dire. Tunaenda nyumbani. Je vais à la maison, je vais passer la nuit là-bas. Tunaweza kuwa hatukuli vizuri sana. On peut ne pas très bien manger. Lakini kuna chakula. Mais il y a quand même le repas. Kwenye meza yetu. Il y a le repas sur la table. Tunaweza sema tunateseka. On peut dire que nous sommes en train de souffrir. Lakini kuna viatu. Mais il y a quand même des chaussures sur nos pieds. Et Dieu nous a donné des bonnes familles. Cette église, c'est une très bonne famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Nous étions en prière toute la semaine à partir du dimanche passé. Et nous étions aussi dans les enseignements. Et nous avons prié. Na tunashukuru Mungu. Et nous bénissons Dieu. Kuna watu waliuliza, ninatumia maneno ya Kiswahili nasema kafara. Les gens ont posé la question que tu as parlé de kafara, c'est quoi cette histoire? Wakasema kafara ni nini? Ils ont dit c'est quoi kafara? Kafara ni sacrifice. Kafara c'est le sacrifice. Sacrifice. Sacrifice. Na kuna sadaka. Et il y a aussi l'offrande. Sadaka ni offering. Sadaka c'est l'offrande. Offering. L'offrande. Kafara ni ajou. Kafara, c'est au-dessus de ile l'offrande ordinaire. Kitoa, unasikia uchungu c'est kido. La chose que quand tu donnes, ça fait mal. Unapoteza. Tu sens que tu as perdu quelque chose. Lakini sadaka, mais les offrandes, ni majukumu yetu, c'est juste notre responsabilité kupatiana de donner quelque kwa chose kazi ya Mungu. Pour l'œuvre de Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, ukisikia siku ingine kafara, quand tu vas encore écouter quelqu'un dire kafara, kuhusu sacrifice. Il faut savoir qu'on parle de sacrifice. Tunasoma Luka 10. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Mimi nimeokoka. À partir du 17e verset, je suis sauvé. Niko na mke. Je suis marié. Niko na watoto wawili. J'ai deux enfants. Mimi ni mtoto wa mtu pia. Je suis aussi fils de quelqu'un. Na mimi ni ndugu ya watu. Et je suis frère de certains. Na mimi ni mtu mzuri. Et je suis une personne bien. Mwenyezi asifiwe. Amen. So zingine na ubiri. Quelquefois je prêche. Naongea, quelquefois je parle. Ndio mabaraka Mungu ametupatia. C'est cela les bénédictions que Dieu nous a données. Baraka ndogo ndogo na baraka kubwa kubwa. Des petites bénédictions et des plus grandes. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Ninapenda kuomba. J'aime beaucoup la prière. Na kufunga. Et le jeûne. Maisha yangu inazungukia hapo. Ma vie est autour de cela. Na sisi tumeimba. Et nous avons chanté. Ngoje ndio ameimba. Même si c'est elle qui a chanté. Sisi ni wale tunafanya mdomo hivi. Nous c'est les gens qui bougent les lèvres seulement. Unafikiria tumeimba. Tu crois que nous avons aussi chanté. Na ukisikia chenye tumesema. Mais si tu écoutes. Sio maneno ya wimbo. Ce que nous avons dit c'est pas exactement les paroles. Kwa sababu hatukubarikiwa na kuimba. Parce qu'on n'a pas été béni avec le temps de chanter. Tuna dance. Nous on peut danser. Kwa kama tunaoga peke yake. On danse quand on est dans la douche. Pour que personne ne te voit. Style ya parce qu'on ne connaît pas suivre le rythme. Amen. Chacun avec sa bénédiction. Toi qui es béni avec le chanté, chante. Tu es béni avec la prédication, prêche. Tu es prêché avec le parler, parle. Prêché avec être silencieux, garde silence. Il y a les gens qui gardent silence. Nous sommes entrés ici. Ils sont calmes. Et ils vont sortir. Amen. Ils vont juste dire amen et c'est parti. Lakini mzuri kuongea. Mais c'est bon de parler. Inatoa ugonjwa ndani. Ça aide à enlever les maladies stress. Qui peuvent rester. Ça nous ôte le stress. Afadhali uishi na mtu mwenye anagombana. Mieux vaut vivre avec quelqu'un qui se bat. Kuliko mtu mwenye ananyamaza. Au lieu de quelqu'un qui est toujours calme. Naambianga mke wangu afadhali tugombane sana. J'ai dit à ma femme vaut mieux qu'on puisse se chamailler. Juu tukinyamaziana. Parce que si on est silencieux l'un vers l'autre. Utasikia mtu amekuchapa ngumi. Un jour tu verras une boxe qui vient, tu sais pas ça vient d'où. Kwa sababu amebeba hasira kwa tumbo. Parce qu'il y a l'amertume qui est restée dedans. Watu wengi ya ugonjwa ya tumbo alsa. Il y a des gens qui ont des maux d'estomac. Ni hao watu wa kunyamaza. C'est les gens qui sont calmes, qui ne parlent pas. Sitaki maneno. Il dit, je ne veux pas de problèmes, mais il a des histoires. Dedans. Il dit, je ne veux pas de querelles, mais au-dedans, c'est en train de bouillonner. Vaut mieux parler. Amen. Acclamons pour le Seigneur, poussons des cris de joie. Amen. Amen. Na Mungu anatupenda. Et Dieu nous aime. Luka 10. Luc chapitre 10. Luka 10. Luc chapitre 10. Attends, sommaire. Je vais lire. Tunataka sana sana 19 lakini ataanza 17 mpaka 20. Je commence au 17e verset et je vais aller jusqu'au verset 20. Lakini mawazo yangu ni 19. Mais nous allons nous focaliser sur le verset 19. Tusome kwa haraka. Lisons au nom du Seigneur. Les 70 revinrent avec joie en disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: vous voyez Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Anasema, tazama, ninawapatia power. Il dit au verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir nyoka, de marcher sur les serpents na kukanyaga nge, et les scorpions na nguvu zote za shetani, et toute la puissance de l'ennemi. Objectif yangu ya kusoma ili neno ni nini? Mon objectif pour lire ce verset, objectif yangu ni nini? Quel est mon objectif? Kwa sababu ninataka, parce que je veux, tuelewe sehemu yetu ya nguvu, que nous puissions comprendre notre part de puissance, yenye tuko nayo ndani ya Christ, la puissance que nous avons en Christ. Nataka tuelewe your powerful position. Je voudrais que nous puissions comprendre notre position de puissance, yenye mimi na wewe, pour que moi, vous tuko et moi, nayo ndani ya Christ, que ce, vous et moi nous avons en Christ, ndio tukitembea, pour qu'en marchant, tunajua sisi ni nani, nous savons qui nous sommes, na tunaweza kufanya nini, et de quoi nous sommes capables. Jambo la pili. Deuxièmement, nataka kutujua kwamba, j'aimerais que nous puissions savoir, wewe ni mtoto wa mtu, tu es enfant de quelqu'un, na baba yako, et ton père, mwenye amefanya ukue mtoto wake, qui t'a engendré, anaamua sana, il décide, anaamua sana, il décide beaucoup, ni faida gani utapata, quels sont les avantages que tu auras, privileges gani utapata, quels sont les privilèges que tu auras, katika hii maisha, dans cette vie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama baba yako ako na kitu, si ton père a quelque chose, unapata privilege, tu as le privilège, ya kuhusika katika hiyo kitu, d'être participant dans cela. Tuko pamoja. Amen. Na ndio nilisema kwa mfano mmoja. Et j'ai donné un exemple. Mtoto wa rais wa nchi. L'enfant du président de ce wakati pays. Wakati rais wenu anakuja Kenya. Quand votre président vient au Kenya. Na mtoto wake anataka kuja Kenya. Et son enfant veut venir. Hawezi kuenda kuomba visa. Il peut pas aller demander le visa. Atakuja tu na baba yake. Il vient seulement avec son père. Lakini wewe. Mais toi. Ukienda Kenya, quand tu vas au Kenya, itabidi uombe visa. Il faut que tu puisses demander ukiwa un visa. Na watoto, si tu as des enfants, itabidi uombe wote nini? Il faut visa. Demander des visas, payer les visas pour tous. Mtoto wa rais, mais l'enfant du président, anafaidika, il a les avantages na uraisi wa baba yake, de la présidence de son père. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Balozi wa Kenya hapa Congo, l'ambassadeur Kenya au Congo, watoto wake, ses enfants, wanaishi Congo, ils vivent au Congo, hawasumbuliwi kama mimi, ils ne sont pas dérangés comme moi. Mimi nikienda kila mahali, moi quand je passe partout, lazima nisumbuliwe kidogo, il faut qu'on puisse un peu me tracasser, kwa sababu mimi sina privilege, parce que j'ai pas les privilèges kama ya mtoto wa balozi, comme de l'enfant, lakini de, mtoto wa balozi, de l'ambassadeur, mais l'enfant de l'ambassadeur anakuwa balozi kama baba yake. Lui, il a les bénéfices de l'ambassadeur. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo sisi tukiwa ndani ya Kristo, alors nous en étant en Christ, sisi ni watoto wa Mungu, nous sommes enfants de Dieu, na tunapata privilege, et nous avons le privilège ya kukua watoto wa Mungu, d'être enfants de Dieu. Penye Mungu anaenda, là où Dieu va, sisi tunaenda, nous y allons aussi. Chenye Mungu anafanya, ce que Dieu fait, sisi tunafanya, nous suivons. Chenye Mungu ameshinda, ce que Dieu sisi a eu, tunashinda. C'est nous aussi nous aurons la victoire. Tout ce qui appartient à Dieu nous appartient, parce que lui ni baba yetu est notre père. Na Biblia inasema, c'est pourquoi la Bible dit, sisi ni warithi pamoja nous sommes co-héritiers avec Christ. Kama alikufa, s'il est mort na akafufuka, et ressuscité, pia sisi, nous aussi hatutaishi katika kifo, nous n'allons pas vivre dans pia la mort, sisi, nous aussi tutafufuka, nous ressusciterons katika jina la Yesu, au nom de Jésus. Kama alishinda shetani, s'il a vaincu le diable, pia sisi, nous aussi tunashinda shetani, nous vaincrons, kwa sababu ya undugu wetu, parce que nous sommes pamoja na Kristo, frères avec Christ. Tuseme amen. Amen. Unajua Biblia inasema, la Bible dit, Ils sont partis, ils ont prêché. Et ils ont vu des guérisons. Et les démons étaient chassés. Na magonjwa yanapotea. Les maladies disparaissaient. Na wakakuwa na nguvu wakasema ufalme wa Mungu umefika. Ils ont dit le royaume est arrivé. Yesu akawaambia hata mimi niliona. Et Jésus a dit ouais, moi aussi j'ai wakati vu ça. Hivyo, quand vous étiez en train de faire cela, j'ai vu le diable ametoka juu, qui est tombé. Ameanguka chini, est tombé en bas. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Akasema sasa. Il a dit maintenant. Ninawapatia power. Je vous donne la puissance. Ninawapatia nini? Je vous donne power. La puissance. Kwa sababu juu ya shetani. La puissance sur kwa sababu le shetani, diable. Parce que le diable aliko tena uko juu, n'est plus là en haut. Ako chini. Il est maintenant na en nawapea dessous. Nguvu. Et je vous donne la puissance. Kumkanyaga. Vous pouvez l'écraser. Na mumutembelee juu. Marcher sur lui. Na mumfanyie chenye mnataka. Vous pouvez faire de lui ce que hata vous voulez. Mkitaka kumrukia rukia. Même si vous voulez sauter katika sur lui. Jina la Yesu. Au nom de Jésus. Tuseme amen. Disons amen. Ayuko juu. Il n'est plus en haut. Quand il y a une maladie qui te dérange, ce n'est plus en haut. Cette dépression, ce n'est pas en haut. Cette malédiction, ce fétiche, n'est pas en haut. C'est en bas. Donc il faut juste que tu élèves ton pied, que tu puisses écraser sa tête. Au nom de Jésus, amen. Disons amen. Gloire à Dieu. Le problème que tu as n'est pas au-dessus de toi. C'est en dessous. C'est toi qui décides aujourd'hui. Je veux vaincre cela ou que ça puisse continuer un peu. Parce que Dieu dit, j'ai vu le diable chini, en train de tomber comme un éclat. Leo, et je déclare aujourd'hui, ce diable qui est en train de faire du mal à ta vie, chini, il est tombé umeme, comme un éclat. Chini yako, il est en dessous de toi. Mamlaka, prends ton autorité kumuaribu, et détruis-le la Yesu, au nom de Jésus. Acclamons pour wote. Le Seigneur. Inasema, la Bible dit katika Yohana 1:12 dans Jean 1:12 ya kwamba ça dit ceci yeyote waliomwamini tous ceux qui l'ont cru aliwapatia uwezo il leur a donné le pouvoir de devenir wana wa Mungu enfant de Dieu mtu yeyote mwenye ameokoka tout celui qui est sauvé yeye si yeye tu il n'est plus la même yeye ni mtoto wa Mungu il est devenu enfant de kama Dieu umeokoka, si tu es sauvé you are a son of God tu es enfant de Dieu jina yako ya pili ton non, ni ya baba yako. C'est le nom de ton père. Kwa jina yako ya pili. Donc ton poste non, ni Mungu. C'est Dieu. Katika jina la Yesu. Amen. Tuseme amen. Amen. Power, kwa nini anatupatia power? Et Dieu nous donne la puissance. Tunahitaji power. Nous avons besoin de puissance. Ndio tuweze kufanya chochote. Pour que nous puissions faire ce dont lakini nous avons besoin. Lakini anatupatia power ya maajabu. Mais il nous donne une puissance. Anasema power ya kukanyaga nyoka. Il nous dit nous avons la puissance d'écraser le serpent. D'écraser le scorpion. La power ya kukanyaga mapower ya shetani. Et aussi écraser les pouvoirs du diable. Kwa sababu hizi ndio vitu iko responsible. Parce que c'est ça les choses qui sont responsables. Kwa kuleta shida na tabu. D'amener des problèmes et des souffrances. Katika maisha ya watu. Dans la vie des uns et des autres. Il dit, je vous donne la puissance. Quand on parle du serpent dans la Bible, on parle du scorpion, ou on parle de la puissance du diable, cela veut dire quatre choses. Premièrement, si tu entends parler du serpent et toutes ces choses, ça veut dire la déception. Déception, déception. C'est le mensonge. Le mensonge du diable. Quand tu dis à quelqu'un, diable, toi tu es menteur. Toi tu me mens. Tu dis que je suis malade et que je vais mourir. Mais moi je ne mourrai pas. Parce que la Bible dit la vérité, que je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus. Diable, tu es menteur. Tu es en train de mentir. Tu as dit que mes parents ne m'aiment pas. Mais c'est le mensonge. Deception. Ça c'est la déception. Tu n'as vu tout. Nous avons vu des choses différemment de ce que ça doit être. Amen. Quelquefois on nous dit tes amis viennent te dire on te dit ton ami là il a mal parlé sur de toi et toi tu viens au lieu de lui demander tu es fâché contre lui tu ne le salues plus tu ne parles plus avec lui et il s'étonne qu'est-ce qui s'est passé avec mon ami. Wongo. T'a menti. Et peut-être celui Zako. Qui a ta bénédiction. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uongo wote wa nani? Wa shetani. Chaque mensonge. Unajua shetani unajua alianguka. Vous savez le diable est tombé. Na unajua shetani alishindwa. Vous savez le diable a échoué. Na unajua ameanguzwa kwa shimo. Vous savez il est dans un trou. Na anaendelea kuanguka hata saa hii. Et il continue à tomber même maintenant. Lakini anadanganya mtu. Mais il continue à mentir aux gens. Ya kwamba bado nina nguvu. Que j'ai encore la puissance. Ninaweza kumaliza maisha yako. Je peux finir ta vie. Bado nina nguvu. J'ai encore la puissance. Ninaweza kumaliza ndoa yako. Je peux finir ton foyer. Mais la vérité Yesu est que anasema, Jésus dit, alimuona, il a vu juu, en train de tomber de là-haut, ape, il est tombé en bas. That is the truth of the matter. C'est ça la vérité. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna kitu kigumu. Il n'y a pas quelque chose de difficile ya Mwenyezi Mungu. Devant Dieu. Hii mambo ingine ni uongo wa nani? Les autres choses, c'est les mensonges du diable. Jambo la pili. Deuxièmement, ukisikia anaongea kuhusu nyoka, quand on parle du serpent, inamaanisha, ça veut dire, inamaanisha hatari. Ça veut dire le danger. Si un serpent arrive aujourd'hui, sana sana, la plupart si si wote tutakimbia, nous allons fuir, nous lakini tous. Tukifika kwa mlango, mais arriver à la porte, wengine wetu tutarudi. Certains vont maintenant retourner tujifanya hatujiogopa, pour faire semblant de ne lakini pas avoir sana peur. Sana tutafanya nini? Mais la plupart de fois, la première réaction, c'est de fuir. Nyoka inamaanisha hatari. Parce que le serpent représente le danger. Kwa hatari gani? Quel danger? Ikikuuma itakuua. Si tu es mordu par un serpent, inaweza, tu peux mourir. Inaweza kuleta ugonjwa. Ça peut te donner des maladies. Inaweza leta kifo. Ça peut amener la mort. Chetani, le diable, utuletea hatari. Nous amène le danger. Katika maisha yetu. Dans nos vies. Unakaa kwa ndoa yako. Tu vis dans ton foyer. Unaishi kwa uoga ya hatari. Et tu es en train d'avoir la peur. Ya tu es dans danger. Itaharibika. Que ce mariage sera détruit. Unalea watoto wako. Tu es en train de faire grandir tes enfants. Unaishi kwa maisha ya hatari. Mais tu es dans un danger. Ya kwamba watoto wako watashindwa na maisha. Que tes enfants ne vont pas réussir dans unakuja la vie. Unakuja hapa kanisani. Quand ils viennent à l'église. Unaishi kwa maisha ya hatari. Tu viens à l'église mais tu es dans la peur. Unafikiria ni kwamba sijui mbele itakuwa. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Les gens sont entourés par le danger. Amen. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir contre tout danger. Au nom de Jésus. Chaque danger dans ta vie. Chaque peur dans ton travail. Chaque danger dans ton mariage. Chaque danger dans tes enfants. Dieu t'a donné le pouvoir de l'écraser et de le bloquer. Au nom de Jésus, acclamons pour le Seigneur. Jambo la tatu. Troisièmement, nyoka inamaanisha ugonjwa. Le serpent représente la maladie. Inamaanisha magonjwa. Les maladies. Iyo ni roho ya ugonjwa. C'est l'esprit de maladie. Unajua nyoka ikikuuma tu hivi. Si tu es mordu par un serpent, alafu inaenda zake. Et puis le serpent s'en va. Inakuacha ukiendelea kuwa ugonjwa. Tu commences à tomber, à être malade. Bwana asifiwe. Amen. Si ati itakuuma na ikae hapa. Ça ne te mord pas et puis le serpent reste là-bas. Unajua minyoo ikiingia ndani yako. Vous savez quand il y a les vers qui sont entrés dedans. Inaishi ndani yako. Ça continue à vivre en toi. Lakini nyoka na uma tu. Mais quand le serpent te pique, inaenda. Ça s'en va. Inauma tu ndoa yako. Il pique seulement ton mariage. Inaenda. Et puis il s'en va. Inawacha ndoa ikikufa. Et ça laisse le mariage commencer. Inauma tu kazi yako. Ça va piquer ton travail. Inaenda. Et puis il s'en va. Inawacha kazi yako ikiumia. Et puis le travail commence à tomber. Inauma tu afya yako. Va piquer ta santé. Inaenda. Ça s'en va. Inakuacha ukiwa nini? Mgonjwa. Ça te laisse en étant malade. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo inaitwa nini? Ugonjwa. Ça c'est les maladies. Ukiona nyoka, quand tu vois un serpent, inamaanisha ugonjwa. Ça représente la maladie. Na kuna watu wanaishi na uoga ya ugonjwa. Et il y a les gens qui ont peur de la maladie. Nilienda kuombea mtu mwingine. J'étais allé prier pour quelqu'un. Ya kansa. Pour qui souffrait du cancer. Kansa ya kwanza kuombea. La première fois que je priais pour un cas de cancer. Saizi chenye natisha ni cancer. Ce qui fait gaffe chez nous c'est so, le cancer. Kansa ya kwanza mimi kuombea. Pour le moment. Alors la première fois que j'allais prier pour nilienda ça. Nikaombea mtu. Je suis allé prier pour quelqu'un. Akaniambia hebu leta mkono shika hapa. Et il m'a dit donne ta main, il faut me toucher ici. Nikashika kitu hivi. Je touchais quelque chose là-bas. Akaniambia ni stage 4. Il m'a dit, je suis à la quatrième étape. Et quand j'arrive là, c'est fini, je suis mort. J'ai prié pour lui. Et puis il m'a dit, tu vois ce qui va se passer. Et je venais de voir en vision qu'il va mourir. J'ai dit, je vis. Il m'a dit, il ne faut pas dire aux autres. J'ai dit, je ne vais pas leur dire. Mais j'ai dit, pour qu'ils ne puissent pas être dans la tristesse, accepte d'aller à l'hôpital pour qu'ils ne puissent pas se culpabiliser. Il est parti. Il n'est pas arrivé loin. Il est mort. Et moi-même, le diable a commencé à blaguer avec moi. J'ai senti une douleur là, au même endroit. Je voyais comme si ce cancer venait de se transférer à moi. J'appelle quelqu'un, je dis, touche un peu ici, là. Parce que je croyais que cette maladie est venue à moi. Et j'étais dans la peur pour beaucoup de temps jusqu'à ce que Dieu m'a sauvé. Le serpent veut dire la maladie. Amen. Il y a d'autres maladies, tu ne sais pas d'où c'est venu. Je vous ai dit que j'avais le diabète. Si tu le toko wapi? Je ne sais pas, c'est venu d'où. Lakini nilikuwa mgonjwa. Mais j'étais malade. Kuna ugonjwa ujui le toko wapi? Il y a des maladies, tu ne sais d'où ça lakini vient. Wewe ni nini? Mgonjwa. Mais tu es quand même malade. Bwana Yesu asifiwe. Gloire à Dieu. Iyo ndio kazi ya nini? Ya nyoka. C'est ça, l'œuvre du serpent. Lakini Yesu anasema, mais Dieu dit, nimewapatia mamlaka. Je vous ai donné le pouvoir kanyaga ugonjwa wote. D'écraser chaque maladie. Katika mapigo ya Yesu. Dans ses meurtrissures. Sisi tumepona. Nous sommes guéris. Yesu anaweza kuponya Jésus kila ugonjwa. Peut guérir chaque maladie. Tukimuletea kwa imani. Si nous amenons cela devant lui dans yeye la foi. Atatu ponya. Il va nous guérir. Hata inji yetu ambayo inaugua. Même notre pays qui est en anasema, souffrance. Anasema iwapo watu wangu walioitwa kwa jina langu. Si mon peuple appelé par mon nom. Watatubu dhambi zao. Vont se repentir. Kisha waniombe. Et tourner vers moi. Nitasikia kutoka mbinguni. Je vais écouter. Na nitaponya inji yao. Et je guérirai tupoke leur nation. Uponyaji wetu recevons katika jina notre la guérison Yesu. Dans le nom de Jésus. Pokea uponyaji wa maisha yako. Reçois la guérison de ta vie. Bali ambapo ugonjwa iliingia kwa maisha yako. Là où la maladie est entrée dans ta vie. Inakuzuia furaha. Ça bloque ta joie. Inakuzuia amani. Ça bloque ta paix. Inakuzuia kazi. Ça bloque le travail. Inakuzuia ndoa. Ça bloque ton mariage. Tupokee uponyaji leo. Reçois la guérison katika aujourd'hui. Jina la Yesu. Au nom de Jésus. Tupokee uponyaji leo. Recevons la guérison aujourd'hui. Katika jina la Yesu. Au nom Bwana de Jésus. Yesu asifiwe. Gloire à Dieu. Jambo la nne. Quatrièmement, wakati tunasikia nyoka, quand nous parlons du serpent, inawakilisha kifo. Ça représente la mort. Nyoka ni roho ya kifo. Le serpent, c'est l'esprit de mort. Ukiona nyoka, quand tu vois un serpent, unaona kifo. Tu vois la mort. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiona nyoka, quand tu vois un serpent, unaona kifo. Tu vois la mort. Na Biblia inasema, et la Bible dit, Shetani anakuja bali kuua. Le diable vient pour tuer. Kwa hivyo Yesu alikuja, ainsi Jésus est venu, ili aharibu kazi ya nani? Pour détruire l'œuvre du diable. Eh, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nyoka inamaanisha kifo. Le serpent veut dire la mort, représente la mort. Maisha inakufa. La vie tunikuwa est finie. Tunapendana. Nous étions en train de nous aimer. Suddenly, subitement, il n'y a plus d'amour entre nous. Vous avez vu les gens qui sont dans les mariages? Avant le mariage, vile wanapendananga. Ils s'aiment beaucoup. Je me souviens dans les fiançailles avec ma femme. Elle venait me visiter. Nous sommes là assis ensemble. Et puis je l'accompagne. Jusqu'à la porte de chez eux. Bye, my dear. Jusqu'au portail, j'ai dit au revoir. Elle dit, laisse-moi aussi t'accompagner. Elle m'accompagne jusqu'au portail chez moi. J'ai dit, ah, il ne faut pas aller seul. Na et puis je la raccompagne. On peut faire 2 heures en train de se raccompagner. Et la nuit en dormant, j'attends seulement, je suis au téléphone. J'aimerais avoir ce message. C'est pas dire que c'est quelque chose d'important. Message. Juste un petit SMS. Juste me dire je t'aime. Good night. Ou juste me dire bonne nuit. My dear. Bonne nuit chérie. Ou bien tu me manques. Je sens comme si... Ah, c'est plus que l'argent. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wacha watu wa wane wane. Et puis après le mariage. Wakae miaka 12. Les gens sont là dizaines d'années. Hey. Unafikiria ni shetani? Tu crois que c'est walioana na Mungu. Que c'est le diable qui a épousé Dieu. Kuna wengine niliona wamechora kitanda yao mpaka. Il y a certains qui ont mis une limite sur le lit. Katikati. Au milieu du lit, ils ont tracé une limite. Yake. Et chacun avec sa couverture. Usiruke huku. N'entrez pas dans mon territoire. Je n'arrive pas là-bas. Sasa kuna watu wanalala mguu inagonga watu. Et ils sont là, ils sont en train de se cogner les pieds. Lakini mpaka iko pale. Ya. Nisikia mtu mwingine akiniambia huyu kumbe nilioa shetani. Et il y a quelqu'un qui me dit je savais pas j'ai épousé le diable en personne. Si tu ne lionaje. Je sais pas ce que j'ai vu là. Shetani mwenyewe. Diable en personne. Kwa sababu nini? Pourquoi? Upendo ime l'amour est fini. Non, est mort. Inakufa. Et quand c'est mort, c'est mort. Hata bibi yako akikusmailia hivi. Même si ta femme sourit. Wewe uone ni smile. Toi tu ne vois pas le sourire. Unaona kama ni kukuchekelea. Tu vois comme si elle se moque de toi. Et quand tu aimes quelqu'un, même quand elle est fâchée contre toi, toi tu vois comme si ce sont des fiers qu'elle est en train de faire. Amen. Nous sommes ensemble. Quand les gens aiment les fossettes, quand il n'y a plus l'amour, regarde, tes joues là sont trouées d'ailleurs. Je ne veux pas que ces malédictions des trous, des joues trouées entrent à mes enfants. L'amour est mort. Amen. Vous allez voir papa et maman quand ils ont un enfant. Surtout le premier né, c'est comme s'il y a quelque chose qui va voler l'enfant. Ils sont avec l'enfant, ils viennent toucher l'enfant. Moi je vais venir voir mon enfant pour écouter si l'enfant continue à respirer. Et jusqu'aujourd'hui je ne sommeille pas bien à cause de ça. Je touche ce qui continue à respirer. L'enfant va bien, je regarde l'enfant parce que je ne veux pas que la maman puisse savoir. Je veux qu'on puisse dire que l'enfant me ressemble. Et la nuit, je regarde. Je prends une photo. Et puis je prends une photo de moi-même. Et puis je compare. Et puis l'enfant grandit. Et puis il y a des problèmes avec l'enfant. Tu vois comme si cet enfant c'est autre chose. L'amour est mort. Et il y a des gens ici où l'amour est mort. Mais nous avons reçu la puissance d'écraser la tête du serpent. Nous allons marcher sur le serpent. Quand les gens se séparent, ils vont au tribunal pour chercher le divorce, demander de divorce. Et quand vous allez voir ce qu'ils sont en train de dire au tribunal là-bas, 90% des temps quand les gens sont en train de parler divorce, ce sont des mensonges. Ils se détruisent, ils se haïssent. L'amour est mort. Quand les gens aiment l'église, les premiers jours, vous les voyez comment ils viennent ici. Oh, notre église, notre pasteur. Oh, je ne veux pas être en retard. Et puis quand l'amour est mort, ces gens-là, ce monsieur-là, l'amour est mort. Nous déclarons la résurrection au nom de Jésus. Partout où il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, reçois la puissance d'écraser au nom de Jésus. Reçois la puissance d'écraser au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons rapidement. The power to tread refers to la puissance. Power ya kukanyaga inamaanisha nini? La puissance d'écraser veut dire quoi? Power ya kukanyaga inamaanisha nini? Que veut dire la puissance d'écraser? Number one. Premièrement, ni power, c'est la puissance ya kudominate, de dominer adui, l'ennemi, na nguvu zake zote, et ses forces. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Yesu anasema, I give you power. Quand Jésus dit je vous donne la puissance ya kukanyaga, d'écraser, anakuambia sasa, il est en train de vous dire maintenant, umepata power, tu as la puissance ya kutawala, de dominer shetani, le diable, na nguvu zake et toutes ses forces. Bwana asifiwe. Amen. Nguvu zote zenye analeta, toutes les forces que le diable akileta peut amener, uongo, s'il amène le mensonge, ukona power, tu as la puissance, unamwambia hii ni uongo, et tu vas dire c'est les mensonges. Mimi sitakufa, moi je ne mourrai pas, mimi nitaishi, je vivrai. Mimi sitaomba mkate, je ne vais pas mendier mon pain. Daudi alisema, parce que David va dire, nilikuwa mtoto, j'étais jeune, sasa nimekuwa mzee, je vieillis, sijemwona mwenye haki, jamais je ne vis les akiomba justes, kitu mendier, akikosa kitu, abandonner, mendier quelque chose chake, ou sa prospérité, mendiant son pain. Bwana asifiwe. Amen. Unakuwa na ukweli, una dominate. Tu domines par la vérité. Zingine mtu anakuletea uongo. Quelquefois quelqu'un t'amène les mensonges. Lakini unacheka tu. Mais tu rigoles. Juu unajua ukweli. Parce que tu connais la vérité. Una dominate. Tu domines. Pokea power. Reçois la puissance. Siku ya leo. Aujourd'hui. Ya kutawala. De dominer. Nguvu za shetani. Les forces de l'ennemi. Na uongo wake wote. Et toutes ces mensonges. Katika jina la Yesu. Au nom pokea de Jésus. Pokea power siku ya leo. Reçois la puissance ya kutawala shetani. De dominer l'ennemi. Na hatari yake yote. Et tout son danger. Pokea power siku ya leo. Reçois la puissance ya kutawala shetani. De dominer le yake yote. Et toutes ces maladies. Pokea power siku ya leo. Reçois la puissance aujourd'hui. Ya kutawala shetani. De dominer le diable. Na kifo chote. Et tout katika son jina la Yesu. Tupigie Bwana Yesu makofi. Pour le Seigneur. Ya pili. Deuxièmement. Inamaanisha ni power. Ça veut dire la puissance d'exterminer le diable complètement na kazi yake. Et toutes ses œuvres. Kwa Kiingereza tunaita power to decimate and decapitate the enemy and la his puissance forces. De décimer le diable et toutes ses forces. Unamaliza. Décimer. Anakuwa flat. Il devient nul. Ayuko. Plat. Il n'y a plus rien. Watu wanasema hiyo ugonjwa ilikuwa. Les gens disent il y avait la maladie. Lakini haiko. Mais il n'y a plus rien. Watu wanasema hiyo hatari ilikuwa. Les gens disent il y avait le danger. Lakini haiko. Mais il n'y a plus rien. Watu wanasema hiyo kifo ilikuwa. Les gens disent il y avait la mort. Lakini haiko. Mais il n'y a plus rien. Power. La puissance. Ya kumaliza kabisa. De décimer tout. Katika jina au la nom Yesu. De Jésus. Wanasema ah si huyu ndio yule alikuwa mgonjwa. C'est lui qui était malade, non? Nona Yesu anatokea anasema. Et Jésus vient il dit. Angalieni mwili yangu. Regardez mon corps. Gloire à Dieu. Je suis déjà ressuscité, je ne suis plus mort. La mort n'a plus de force. Au nom de Jésus. Amen. Quand Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis du feu, ils disent, il n'y avait même pas d'odeur de fumée sur eux. La puissance a tout fini. Je déclare aujourd'hui, reçois la puissance de décimer le diable et tous ses œuvres. Tous ses œuvres. C'est comme il nous a pardonné nos péchés. Il dit, même si tes péchés sont rouges, quand tu confesses devant moi, je ferai que tu sois blanc comme la neige. Quand quelqu'un vient te voir, il ne va pas voir les signes du péché. Nos péchés sont pardonnés. Et il n'y a pas de témoignage contre nous. Le diable peut utiliser contre nous. Au nom puissant de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Ya tatu. Troisièmement. Ni the power, la puissance, to deal de s'occuper with the enemy, de l'ennemi, and his forces, et ses forces, as you please, comme tu veux. Anakupatia power, il te donne la puissance, ya kushughulikia shetani, de t'occuper du diable, na nguvu zake zote, et toutes ses forces, vile unataka, comme tu le veux. Ukimwambia enda hapo anaenda. Si tu lui dis va là-bas, il part. Ukimwambia ruka ruka anaruka ruka. Il dit saute, il saute. Ukimwambia lala analala. Tu dis dors, il court, il dort. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile unataka tu. Ce que tu veux. Sa zingine unaweza amua ikue movie. Quelquefois tu peux vouloir que ça soit comme un film. Unaona vile unamtesa. Et tu veux le faire, tu vois comment tu le fais souffrir. Kolosai inasema. C'est pourquoi dans Colossiens il est écrit. Kisha Yesu akawashika. Et après Jésus leur a shetani yote. Il a pris tous les démons. Na ma principality yote. Et tous les principautés. Alafu akawaanika hivi. Et puis il les a mis publiquement. Wakaenda wakifuata Yesu. Ils étaient en train de le suivre. Ils étaient en train de proclamer que Jésus est Seigneur. Leo, je déclare aujourd'hui que tous ces démons qui sont en train de déranger ta vie, ils vont Bwana. Déclarer que Jésus Kila est Seigneur. Kitakere, chaque langue confessera que Jésus est Seigneur. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Danger, itasema apana. Le danger dira non, non, non, kumua, non. On voulait le tuer. Lakini Yesu ni Bwana. Mais Jésus est Seigneur. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iko tulikuwa na competition ya wahubiri. Nous avions eu une compétition des prédicateurs. Alafu wakanishughulikia. Et puis ils se sont occupés de moi. Wengine wakanishughulikia. Ils se sont occupés de moi les autres. Wakakuja kupanga kwangu vitu usiku. Ils ont venu la nuit pour mettre des choses chez moi. Wakitaka kuniua. Ils voulaient me tuer. Wengine wakaendea watoto wangu. Et les autres ont attaqué mes enfants. Mimi nikaendelea kuomba. Et moi je continuais à prier. Wengine nikabeba mmoja. Un jour, j'ai pris l'un. L'un d'eux, j'ai dit, pasteur, levez-vous. Jésus est Seigneur. Les gens voulaient te tuer. Moi, je suis l'un d'eux. Mais nous avons échoué. Il y a un moment où on m'a empoisonné. Le poison qui fait que tu puisses mourir doucement. Vous savez, moi, je ne meurs pas. Et j'ai eu des mots. Et puis on a prié pour moi, j'étais guéri. Et puis celui qui m'avait empoisonné est venu dire, le Dieu, ton Dieu est Seigneur. On essaie de le tuer, il ne meurt pas. La puissance de s'occuper des œuvres de l'ennemi. Quelqu'un dit Amen. Comme tu le veux. Recevons cette puissance. Que l'ennemi vienne et il dise Jésus est Seigneur. Celui qui est en train de détruire ta famille, qui vienne et qui dise j'ai découvert que Dieu est Seigneur, Jésus est Seigneur. J'abandonne ta famille au nom de Jésus. Celui qui est en train de vouloir détruire ton travail, qui vienne et qui dise Jésus est Seigneur. Recevons cette puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quatrièmement, it is the power to bring the enemy and his forces under control and subjection. C'est la puissance d'amener le diable et toutes ses forces sous contrôle. Inamuleta chini ya utawala wako. Le diable vient sous ton contrôle na chini ya mamlaka yako. Et sous ton autorité. Yani ukienda mahali, quand tu vas quelque part, unakuta danger. Tu trouves le danger. Watu wanatetemeka. Les gens sont en train de trembler. Ndugu zako wanatetemeka. Tes frères sont en train de trembler. Ndugu zako wanatetemeka. Tes sœurs tremblent. Kuhusu maisha yako. Ils sont en train de trembler. Ils ont peur pour ta vie. Mais quand toi tu arrives là-bas, unaleta control. Tout est sous contrôle. Unambia msijali. Tu leur dis ne vous inquiétez pas. Itafanyika. Il n'y a rien qui va se passer. Na wasiwasi. N'ayez pas peur. Hatutakufa hapa. Nous ne mourrons pas en ce lieu. Na wasiwasi. N'ayez pas peur. Hatutakuwa wagonjwa hapa. Nous ne serons pas malades ici. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati kila mtu ana wasiwasi. Quand tout le monde a peur. Wewe unaiweka under subjection. Toi tu mets tout sous contrôle. Akijia kushoto, kanyaga. On dit si il vient à droite, écrasé. Kanyaga. Il vient à gauche. Sijui kama iko kwa Biblia lakini tunakanyaga. Je sais pas si c'est écrit mais il faut piétiner. Vous connaissez le cantique. Sema shetani akija sote tuko tayari. Shetani akija sote tuko tayari. Akiji ya kushoto kanyaga. Bwana asifiwe. So wewe una kanyaga na kanyaga écraser, kanyaga ugonjwa, una kanyaga laana, écraser la malédiction, kanyaga chuki, una kanyaga wivu, una kanyaga kifo, écraser la mort. Katika jina la Yesu, au nom de Jésus, power siku ya leo. Recevez cette puissance aujourd'hui. Hey, sisi ni watoto wa mfalme. Nous sommes les enfants du roi. Na nataka tujue hiyo siku ya leo. J'aimerais que nous puissions être conscients de cela aujourd'hui. Amekuja kwa nyumba yako. Ce diable qui vient dans ta maison. Anafanya mnapigana pigana. Et il fait qu'il y ait des combats. Pokea power. Reçois la puissance. Leo kienda nyumbani. Aujourd'hui, en rentrant à la maison, kanyaga. Écrase. Ukigombanishwa. Quand quelqu'un veut te combattre, kanyaga. Écrase. Ukitaka kuchapwa. Quand il veut te frapper, kanyaga. Écrase. Ukitaka kufutwa kazi. On veut te chasser au travail, kanyaga. Écrase. Ukitaka kufukuzwa. On veut te chasser, kanyaga. Écrase. Hey, tupige Bwana Yesu makofi. Ah, clamons pour le Seigneur. Yani, huyu shetani, yani ana kitu. Le diable n'a rien. C'est nous qui ne savons pas le pouvoir que nous avons, nous n'en sommes pas conscients. Vous savez, j'ai le billet pour rentrer au Kenya. Et là, il y a la nourriture qu'on nous donne pendant le voyage. Et il y a des gens, on leur donne la nourriture. Ils disent non. Parce qu'ils croient qu'elle va augmenter, on va leur faire payer. Ils ne savent pas que c'est déjà inclus dans le billet. Et tu vois quelqu'un en train de bailler, il a faim. On lui amène la nourriture. Il dit non, merci. Tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a. J'ai pas l'argent pour payer pour ça. Mais c'est déjà payé. On a déjà payé pour ça. Amen. Le prix est déjà payé. Il faut savoir qui tu es. Tu as la puissance d'écraser le diable et de détruire son œuvre. Tu peux pas me faire peur. Peut-être si tu me fais. Si tu m'as prévenu que tu vas venir ce soir pour me faire du mal, je vais m'occuper de toi convenablement. By the time inafika hiyo jioni, quand il arrivera le soir, utaniambia Yesu ni tu vas me dire Bwana. Jésus est Seigneur. Kwa sababu ninajua silaha. Parce que je connais les armes. Ninawekanga tu hii tumbo yangu hapa. Je mets mon ventre na ninagonga chini. En bas et je commence à frapper. Ninaambia Mungu. J'ai dit à Dieu. Kama haujakufa. Si tu es encore vivant. Kama unaishi. Si tu vis. Tutambue leo. Que nous puissions reconnaître aujourd'hui. Qui est Dieu yako, entre toi et ces gens-là, au nom de Jésus, acclamons pour Amen. Le Seigneur. Yamwisho. Dernièrement, enfin. Yamwisho. Enfin. It is the power. C'est la puissance. In mastery and victory over the enemy and his. Yani ni nguvu ambaye inafanya ukwe na ujuzi. C'est la force qui te donne d'être un maître plus supérieur que le diable et ses forces. Juzi. Ça te donne la maîtrise. Adui akikuja kama mafuriko. La Bible dit si le diable, l'ennemi vient comme Ro des inondations, l'Esprit de kiwango. Dieu va élever le niveau. Atakuja na njia moja. Il viendra par un chemin. Atatoka na njia il saba. Va fuir par sept. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Biblia inasema, hakuna sila la Bible dit, il n'y a pas iliyoumbwa juu yako une arme forgée contre toi qui prospérera. Na kila kinywa, et chaque langue, kila ulimi, chaque langue inayokuhukumu, qui te jugera, utaimaliza. Tu vas et chaque rencontre qui sont en train de te rencontrer contre toi, ils seront dispersés au nom de Jésus. Nous avons la maîtrise. Quand tu vois le péché, tu dis je ne mourrai pas, je vivrai. Au nom de Jésus. Quand tu vois les gens en train de s'attaquer, tu vas dire le combat ne m'appartient vita pas. Ni vya Bwana. Le combat appartient à l'Éternel. Katika jina la Yesu Christo. Au nom de Jésus. Ukiona wanakuja sana, quand tu vois na watu wenye unao wanataka kutoroka, et les gens veulent fuir, les gens avec qui tu veux fuir, simameni wima. Restons fermes. Vous verrez la délivrance de l'Éternel. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikimaliza kwa sababu ya saa, pour finir, kwa haraka haraka, rapidement, ninataka tusome Luka 10. J'aimerais que nous puissions lire 10:19 kwa njia yangu, à ma façon. Tawekewa pale. Mettons, projetons cela. Luka 10. Luc 10. 19. Ni kama inasema. Ça dit. Ukiipasua. Si tu peux décortiquer ça. Kwa Kiingereza tunasema go after the devil. Ça dit il faut attaquer le diable. Break his head. Et il faut le briser. Destroy his work. Il faut détruire son travail. Move without consequences. Et il faut marcher sans yani, conséquences. Ni kama Yesu anakuambia, c'est comme si Jésus est en train de te dire, endea shetani sasa. Va vers le diable maintenant. Nimekupea mamlaka, endea yeye. Je t'ai donné le pouvoir, il faut maintenant alafu, attaquer. Anakuambia, ukimpata, et puis il te dit, quand tu as déjà ça, vunja shingo yake. Il faut briser son cou. Vunja kichwa yake. Brise sa tête. Alafu, écrase sa tête. Haribu kazi yake. Et puis il faut détruire ses œuvres. Alafu, et puis, hakuna maumivu. Il n'y aura pas de douleur. Nataka tufanye yo maombi. J'aimerais que nous puissions faire ce prière. Lèvons-nous au nom de Jésus. Nataka tufanye tukisimama. J'aimerais que nous puissions faire cette prière en étant debout. Tunajua kusoma Kiingereza. Nous savons lire en anglais. Iyo ajui nasema go after the devil. Premièrement, il faut attaquer le diable. Soma number one. Disons premièrement, go. Nanguvu three, go. Go after the devil. Tena. Encore. Turudie tena. Na nguvu ni kama tunaamini. Ya pili. Break his head. Tena. Ya tatu. Destroy his work. Ya tatu tena. Ya nne. Move without consequences. Tena. Move without consequences. Wakati Yesu anasema ninakupatia power. Quand Dieu dit je te donne la puissance. Ya kukanyaga. D'écraser. Nyoka. Le serpent. Nge. Le scorpion. Na nguvu za shetani. Et les forces du diable. Anakuambia. Il est en train de te dire. Go after the devil. Attack. Break his head. Brise. Destroy tête, his work. Détruis son œuvre. Move without consequences. Et il faut kama y aller sans conséquences. Bwana Yesu makofi. Si tu crois en cela, tu vas acclamer le Seigneur. Nataka tufanye kitu inaitwa prophetic warfare. J'aimerais que nous puissions faire le combat prophétique. Kwa dakika mbili. Pour deux minutes. Prophetic warfare. Le combat prophétique. Ni ile wewe. C'est quand toi. Unakuwa nabi. Tu deviens prophète. Wa yule mtu mwingine. De l'autre. Tena wewe unakuwa nabi. Et tu deviens prophète. Wa maisha yako. De ta propre vie. Haya tugeukiane. Tournons l'un vers l'autre. Wawili wawili. Deux à deux. Kana mtu mwenye hauna amejekosana. Comme quelqu'un avec qui vous n'avez pas de problème. Alafu, pas, et qui ne puisse pas essayer de t'intimider. Vous savez, nous sommes sauvés à l'église. Mais sauvés, ça ne veut pas dire que nous n'étions pas dans le péché auparavant. Nous savons encore les arts de combattre. Mais Dieu nous a déjà sauvés. Alors, salue le voisin. Muulize jina lake. Demande son nom. Nataka ukwe prophète. Muulize unaitwa nani. Sois prophète, demande lui quel est ton nom. Muulize unaitwa nani. Demande le nom. Muulize je umeokoka. Demande lui est-ce que tu es sauvé. Umeokoka. Tu es sauvé. Umepokea Yesu Kristo. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Awe mwokozi wa maisha yako. Est-ce qu'il est Seigneur et Sauveur de ta vie? Unajua kwamba Yesu anakupenda. Comment sais-tu que Dieu, que Jésus t'aime? Na unajua Yesu ni ndugu yako. Et tu sais que Jésus est ton frère. Na wewe na yeye. Et vous deux. Ni warithi. Vous êtes cohérents ya Mungu. Des bénédictions de Dieu. Unajua ya kwamba, Demande-lui, est-ce que Mungu tu sais que Dieu est ton père? Dis-lui, je t'aime. Mungu anakupenda. Dieu t'aime. Mungu atakupigania. Dieu combattra pour katika toi. Jina la Yesu. Au nom de Jésus. Mungu atakuinua. Dieu t'élèvera katika kila jambo. En toutes choses. Sasa tuseme, nataka uongeleshe yule mtu. Il faut parler. Mwambie siku ya leo. Au voisin. Mungu anakupatia power ya kukanyaga nyoka, nge na nguvu zote za shetani. Siku ya leo, pokea mamlaka kutoka kwa Yesu Kristo. Kuanzia sasa, shetani ameangushwa chini na ako chini ya miguu yako. Kwa hivyo, katika jina la Yesu, pokea power, pokea power, pokea power, pokea power ya kukanyaga nyoka, nge na nguvu zote za shetani katika jina la Yesu. Bado tunaangaliana bado. Ni kama watu wamechokana, hawataki kuangaliana, ni kama wamechokana. Vous êtes fatigué l'un de l'autre? Hein? Continuons. Wana kama wamechokana chokana kidogo, si chokane, pokea nguvu ya kutochokana. Upende tu mtu sana. Sasa zingine unasimama karibu na muujiza wako. Peut-être tu es unajua muujiza, à côté de ton miracle. Muujiza ya Mungu ni watu wa Mungu. Vous savez le miracle de Dieu c'est son peuple. Sasa zingine mimi nilioa mtu mwenye alikuwa kwa worship. J'ai épousé quelqu'un qui était dans l'adoration. Worship, funga macho moja, moi, j'adorais, je ferme un œil, je naona baraka yangu pale. Et je vois ma bénédiction là-bas. Yesu asifiwe. Amen. Usikue mtu akufunga tu macho kwa kanisa kila siku. Faut pas fermer tous les yeux à chaque moment. Chungulia chungulia. Faut être en train de voir un peu. Kazi yako iko na mtu hapa. Ta bénédiction est avec quelqu'un en ce lieu. Baada ya service najifanya na salamia watu alafu naenda kwake. Après le culte, je suis en train de saluer les gens en train d'aller vers. Salamiana elle est soft. Et puis là je veux saluer avec tendresse. Kwa sababu najua hii ndio baraka. Parce que je sais que là c'est là ma bénédiction. Aya, nataka tuombeane kwa dakika moja. Umetoa hiyo tena. Ambia mwenzako now. Na nguvu sasa ya vita now. Maintenant. Jesus Christ. Jesus Christ. Commands you today. Commands you today. Go. Go after the devil. After the devil. Go. Go after the devil. After the devil. In your family. In your family. Go after the devil. After the devil. In your marriage. In your marriage. Go. Go after the devil. After the devil. In your destiny. In your destiny. Go. Go after the devil. After the devil. In your nation. In your nation. Go. Go after the devil. After the devil. Break his head. Break his head. Break his head. Break his head. Break his head. Break his head. Break his head. Break his head. Break his head. Break his head. Break his head. Break his head. In your family. In your family. Break his head. Break his head. In your destiny. In your destiny. Break his head. Break his head. Break his head. Break his head. Break his head. Break his head. Break his head. Break his head. Destroy his work. Destroy his, destroy his work. Destroy his, destroy his work. Destroy his, destroy his work. Destroy his, destroy his work. Destroy his without work. Consequences. Without consequences. Without consequences. Without consequences. Katika jina la Yesu. Au nom de Jesus. Mwambie tena kwa Kiswahili. Mwambie Bwana Yesu. Anasema leo. Endea shetani. Endea shetani. Kwa maisha yako. Endea shetani. Kwa familia yako. Endea shetani. Kwa taifa yako. Endea shetani. Vunja kichwa chake. Vunja kichwa chake. Vunja kichwa chake. Haribu kazi yake. Haribu kazi yake. Haribu kazi yake. Na hautaumia katika jina la Yesu. Tupigie Bwana Yesu makofi. Nataka useme sasa ukiinua mkono kwa haraka. Sema Bwana Yesu, napokea sasa upako ya kuendea shetani na kuvunja kichwa chake na kuharibu kazi yake, na natangaza sitaumia, watoto wangu hawataumia, ndoa yangu haitaumia, maisha yangu haitaumia, kazi yangu haitaumia, haitaumia katika jina la Yesu. Kuanzia sasa nimepata upako wa kuendea shetani. Shetani, ninakuja leo kinyume na wewe. Ewe shetani ambaye unadanganya kwa maisha yangu. Ewe shetani ambaye unaleta hatari kwa maisha yangu. Ewe shetani ambaye unaleta ugonjwa kwa maisha yangu. Ewe shetani ambaye unaleta kifo kwa maisha yangu. Siku ya leo na kukanyaga kanyaga katika jina la Yesu. Na kukanyaga kanyaga katika jina la Yesu. Tuseme kwa haraka. Sema Bwana Yesu, nimepata upako ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za shetani. Siku ya leo ninawaleta nyoka wote wa maisha yangu mbele yako. Siku ya leo ninawaleta nge wote wa maisha yangu mbele yako. Ninazileta nguvu zote za shetani kwa maisha yangu mbele yangu. Nikitumia power ya kukanyaga na kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga sasa katika jina la Yesu. Tunakanyaga shetani, tunakanyaga nyoka, tunakanyaga nge, tunakanyaga nguvu za shetani katika jina la Yesu. Tunakanyaga uongo, kanyaga uongo, kanyaga uongo, kanyaga uongo katika familia yako, kanyaga uongo, kanyaga uongo katika maisha yako, kanyaga uongo, uongo wa shetani, kanyaga sasa, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga katika jina la Yesu. Kanyaga ugonjwa, kanyaga magonjwa, kanyaga yote, kanyaga magonjwa yote, kanyaga magonjwa kwa ndoa, magonjwa kwa jamii, magonjwa kwa afya, magonjwa ya kifedha, kanyaga kanyaga, kanyaga magonjwa yote katika jina la Yesu. Kanyaga hatari, hatari zote, kanyaga kanyaga kanyaga, kanyaga leo, kanyaga katika jina la Yesu. Kanyaga kifo, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga sasa, kanyaga, kanyaga katika jina la Yesu. Ukiinua mikono juu, elefte ma, sema sitaumizwa tena na shetani. Baba, ninapokea upako ya kuzuia shetani kuniumiza tena. Nyumba yangu haitaumizwa tena na shetani. Ndoa yangu haitaumizwa tena na shetani. Watoto wangu hawataumizwa tena na shetani. Wazazi wangu hawataumizwa tena na shetani. Afya yangu haitaumizwa tena na shetani. Kazi zangu, utajiri wangu haitaumizwa tena na shetani. Baba, natangaza ya kwamba sitaumizwa tena na shetani, kwa sababu leo ninapokea upako wa kutoumizwa na shetani. Ninatangaza ya kwamba nitasimama. Bwana Yesu, ninapokea leo upako wa Roho Mtakatifu yenye inaondoa mizigo yote kwenye mgongo wangu na inaharibu nira yote. Natangaza ya kwamba nira imevunjika kwa sababu ya upako. Nira yote ya maisha yangu, nira yote ya kanisa imevunjika kwa sababu ya upako katika jina la Yesu. Tumpigie Bwana Yesu makofi.